Saint-Quentin, à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Lola. Bonjour Mathis. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, en ce 17 avril, après ce week-end mouvementé, hein Lola ? Oui, très mouvementé avec ce fameux bal. Qui, je l'espère, vous a plu, qui nous a plu. On a été très heureux de tous vous voir ce week-end. Lola, vous a fait des bonnes petites pâtisseries quand même ? J'espère que vous avez aimé. Yann avait des crêpes, hein ? Ah oui. Et donc notre artiste qui était venu, Georges Ferreira, et ses musiciens, qui étaient à un concert très agréable et un bal très dynamique où il y avait énormément de personnes. Pas mal de monde, oui. Et notre petit jeu que nous avons fait avec Lucie, qui était un petit ballon mystère où nous avons préparé des lots à gagner. Donc j'espère que cette soirée vous a plu. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre émission. Donc on est là de 16h jusqu'à 18h. C'est ça. Aujourd'hui, nos chroniques, on reprend nos chroniques normales. Donc Lola va faire sa chronique après 3 semaines, je crois que tu n'y es pas venue. Oui, du coup sur l'horoscope. Et cette fois-ci, je la fais à 16h30. Tout à fait, à 16h30. Et je ferai ma chronique à 17h30 aujourd'hui, qui se basera sur les top 3 des derniers artistes qui sont venus à nos événements. Donc les événements qui se sont déroulés le 13 avril, il y a même pas quelques jours. Le 3 février et 18 novembre, donc les artistes qu'on va réécouter, qui sont venus nous chanter à nos événements. Donc on commence l'émission tranquillement en musique, et on commence avec Mariage One, la musique qu'on commence tout le temps. Aujourd'hui, il n'y a pas Lucie, mais Lucie a quand même voulu nous laisser un petit message. Elle nous donne une petite dédicace à tout le monde, à moi et Lola. Donc on lui fait des bisous. On lui fait de gros bisous à Lucie. Gros bisous. Et on espère la retrouver la semaine prochaine pour notre émission. Et du coup, elle nous fait une petite dédicace sur la musique de Dadju, Toko Toko. Ça me fait penser à moi. Chantée par Daniela Henriquez, une musique qui est sortie le 16 février. Donc une musique très, qui donne très envie d'être l'été. Bon, derrière ce nuage gris que je vois derrière moi, c'est pas avec ça qu'on a envie d'aller en été, mais avec la musique on peut. On écoute une musique de Bon Bon Cash qui est sortie aussi cette année, Mio Corazón Samba por ti. Até logo outra cor. A noite transforma-se em dia. É uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa. Ai, o mundo para com o nosso amor. Meu coração não bate. Só samba, só samba para te ver. Meu coração não bate. Só samba, só samba para te ter. Meu coração não bate. Só samba, só samba, samba por ti. Meu coração não bate. Só quando te vê. Até logo outra cor. A noite transforma-se em dia. É uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa. Ai, o mundo vai com o nosso amor. Continue en musique d'été avec une musique qui date un peu, et DJ de CNCO. Soy yo el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi. Soy yo el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, mata, baby, tú me Nous sommes dans notre ambiance d'été avec Lola. Avec Lola, nous sommes dans notre ambiance. On cherche des musiques d'été, n'est-ce pas ? Bah, pour essayer de changer du temps qui est un peu catastrophique en ce moment, on va dire. Un peu. Mais ce week-end, il faisait beau. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, pour remettre dans la motivation de l'été, on voudrait que vous fassiez quelque chose pour nous. Donc, on va vous demander de nous appeler au numéro que Lola connaît par cœur. Oui, le 02 38 43 48 00. Pour nous dire les titres de cet été que vous voulez écouter et ou les titres du moment qui vous donnent envie d'être en été. Toi, Lola, c'est quoi ta musique ? J'en ai pas tellement, je t'avouerai. Elle est en panne d'inspiration. Mais appelez-nous pour dire votre musique et qu'on les diffuse à l'antenne. darti a te o che pedia, una notte senza fine e senza medida. Tengo planos para ti, algo atrevido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. Vizinhos. E se esta noite dá, tu podes ficar comigo. E se esta noite não, tu temes o proibido. Babá, babá, babá, vem provar comigo. Babá, babá, babá, vem provar comigo. Será uma noite longa de amor. Passa a mão no meu corpo. La vida es una y es un carnaval. Chers auditeurs, nous avons besoin de votre aide. La famille de Didier Bouilly, disparue depuis le lundi 8 avril vers 17h30 sur Ingré, le recherche activement. Il a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Queue de Forêt à Ingré. Il était vêtu au moment de sa disparition d'un jean gris, de baskets blanches et d'un manteau gris. Il est âgé de 60 ans et a de nombreux problèmes de santé, ce qui le rend particulièrement vulnérable. Si vous avez des infos, merci de contacter le 06 15 97 35 49 ou le 06 65 71 64 65 ou, le cas échéant, les services de secours. Afin d'aider la famille dans leur recherche, une battue sera organisée le samedi 20 avril à 14h au départ du centre de loisirs des Queues de Forêt à Ingré. Toute personne disponible est la bienvenue. Merci pour votre aide. Du coup, on va commencer ma chronique sur l'horoscope du jour, donc du 17 avril. Donc, on va commencer par quoi, Mathis ? Bon, on commence par les béliers. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler d'argent et travail, je ne l'ai pas dit. Alors, un sujet intéressant. Les béliers, votre envie de vivre et de compenser certaines frustrations déséquilibre vos finances. Gare aux retombées catastrophiques sur votre budget. Soyez un peu plus raisonnable. Oula. Bon, il faut faire attention à son budget parce que, bon, les temps sont durs. Il faut gérer les finances. Alors, maintenant, on va faire le taureau. Alors, pour toutes les personnes qui sont taureaux. Grâce à votre force de persuasion, vous arriverez à faire accepter un projet important. Vous réunirez toutes les qualités nécessaires chez vos partenaires pour mener à bien cette nouvelle affaire. Donc, ils sont sur un nouveau projet. Ouais. Les Gémeaux, donc c'est ceux qui sont nés du mai-juin. Oui. Oui, parce que ma mère est née le 13 juin et mon père le 24 mai. Donc oui. Ok, bon, on va dire ça entre ces eaux-là, quoi. Alors, argent et travail. Vous ne manquerez pas d'idées originales. Si votre créativité débordante ne manquera pas de motiver vos partenaires, vos supérieurs pourraient se montrer plus frileux quant à la réalisation de vos projets audacieux. Bon, faut pas hésiter. Faut pas se laisser abattre. Ouais. Il faut montrer notre détermination. Bon, c'est pas mon signe, mais c'est les Gémeaux. On commence après. Moi, est-ce que je peux choisir le prochain signe? Si tu veux. Bah, le mien. Allez, Lion. Alors, Lion, argent et travail. Le meilleur. Qu'est-ce que tu vas avoir? S'il pourrait me dire que je gagne 1 500 €, ça m'arrangerait. Non. Alors, un contrat, un accord ou une association pourrait être remis en cause. Ne perdez pas espoir, tout vient à qui sait attendre. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On passe à autre chose. On va faire mon signe, en fait, maintenant. Oui, mais c'est pas dire que c'est meilleur. Alors, cancer, du coup. Dans le secteur professionnel, la reconnaissance de vos efforts est toute proche. Les signatures officielles sont favorisées. Toutefois, les retombées financières se feront un peu attendre. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon, alors, c'est pas fifou non plus. Ouais, mais c'est un peu mieux, on va dire. Mais j'ai compris un petit message dans l'horoscope. Car il disait que tu allais réussir un truc au début, c'est ça? Ouais. Et tu as réussi quoi, il y a pas longtemps, Lola? Ah, j'ai eu mon permis il y a... Donc, je veux un tonnerre d'applaudissements. Il y a pas longtemps. Pour Lola qui a eu son permis. Et moi Merci. Qui n'a toujours pas passé le code. Mais c'est pas grave. Ouais, bah vu les questions que tu poses en voiture, ne le passe pas, t'es en danger. J'ai juste public. Demandé, elle est quel sens la priorité à droite? Bref. On va passer à autre chose. Alors, les vierges. Vierges. Dans le cadre de votre travail, on vous confiera probablement de nouvelles responsabilités. Veillez à vous entourer de bons collaborateurs. Suivez votre inspiration, retroussez vos manches et mettez-vous au travail sans hésiter. C'est pas mal. C'est pas mal pour eux, il faut qu'ils... Franchement, c'est bien. ...soient déterminés comme les Gémeaux, je crois, ou les Taureaux qu'on a dit avant. Ouais. Alors... Moi, je dis les Scorpions. Scorpion, vous aurez une chance puissante aujourd'hui. C'est le moment de foncer vers vos objectifs. Alors vous, foncez, parce que là, vous êtes aujourd'hui, c'est votre jour en fait. C'est pas la journée de tout le monde, mais c'est leur jour à eux. Alors, du coup, on va continuer avec les balances. Un mouvement positif est en marche sur le plan financier et vous pourriez retrouver un certain équilibre. Oula. La stabilité n'est pas encore là, mais vos efforts portent leurs fruits. Du coup, essayez de foncer et puis vos efforts vous feront gagner, quoi. Maintenant, Sagittaire. Les recherches et les prises de contact professionnels seront favorisées. Vous pourrez compter sur des personnes influentes. Des changements sont en vue. Inutile de vous accrocher à votre routine rassurante. Vous adapter sera le meilleur moyen de faire tourner les événements en votre faveur. Donc il faut pas... Ils doivent être déterminés eux aussi. Ouais. Alors, Capricorne, la journée s'annonce décisive. Oula. Il y a du changement dans l'air, en particulier dans les secteurs liés au voyage ou à l'étranger. Vous pourriez subir quelques désagréments liés à une mauvaise organisation. Bon, j'allais dire, quand j'ai entendu parler de voyage, je voudrais bien être ce signe, mais en fin de compte, pas tellement. Alors, Verseau, allez de l'avant pour chercher de nouveaux contacts et faire avancer vos projets. De petits contretemps professionnels sont possibles, mais rien de dramatique. Bon, c'est... Aujourd'hui, l'argent n'est pas très joyeux. Hein. Et pour finir, on fait quel signe? Alors, si j'ai bien suivi, il me manque quel signe? Sagittaire? Non, quelque chose dans l'eau. Ah, les poissons. Voilà. C'est l'ana. Donc, il y aura peu d'évolution sur le plan professionnel. Un manque d'intérêt certain vous pousse à nourrir de folles ambitions. Cependant, vous devrez vous contenter de cette situation pour l'instant. Bon, les signes... Franchement, la dernière fois, on parlait d'amour, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on parle de travail, ça n'a pas marché. Lola, faut que... C'est pas le jour, je crois. Il faut des bonnes nouvelles. Pour la prochaine fois, des bonnes nouvelles. Oui, oui. C'est pas moi qui décide. Ta boule à facette, elle n'est pas... C'est pas moi qui décide. Eh ben, on te remercie, Lola, pour toutes ces bonnes... Bah, pas trop bonnes nouvelles, mais des nouvelles. Oui, mais bon. On est informés. Donc, on continue toujours notre petit jeu. Justement, on est à... Qui était de nos musiques d'été. Oui, bien sûr. Continuez. Donc, on attend vos appels. On a déjà eu deux appels qu'on va mettre bientôt à les musiques. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Appelez Lola. Lola vous attend. Ok. Et toujours au 02 38 43 48 00. Donc, on vous appelle pour vos musiques d'été. Et toi aussi, Lola, cherche ta musique d'été. Ça fait 5 minutes qu'elle cherche. Oui. Bon, je vais chercher. On continue en musique avec Ava Max. Whatever, whatever, 20 years later,

tu și-am trimis. Chei n-au dat să vede chi-n coștare. Si nu sabes, vas a aprender. N-au aprendis, vas ser chi-n dansar. N-a dat să du bula, ue. N-a dat să du bula, ue. Zucu lucu mana chete, mai. N-o se zi tu vas aguentar. Zucu lucu cu mana chete, dar. Si chiu și vas ser chi-n dansar. N-a dat să du bula, ue. Os que não sabem bem nadar ligaram na pista a dançar o pula-uê. É só pula-uê. Respira pula-uê. É só pula-uê. Pula-uê. Vem dançar o pula-uê. Quer nascer chéri, ma chéri. Se não sabes, vas aprender. Não aprendes, vas ter que dançar. Na dança do Ulaue. Ulaue. Na dança do Ulaue. Ulaue. Zuculuco, manaquete. Mas não sei se tu vais aguentar. Zuculuco, manaquete. Sei que hoje vais ter que dançar. Na dança do Ulaue. Os que não sabem bem nadar ligaram na pista a dançar o pula-uê. É só pula-uê. Respira pula-uê. É só pula-uê. Pula-uê. Vem dançar o pula-uê. Quer dançar? Chéri, ma chéri. Más solo que lo toque me la quito yo que más solo que lo toque me la quito yo que más solo que lo toque me la quito yo que más solo ae pula we llegó ae con le di franga con no ae pula we llegó volé vi. Solo que lo toque me la quito yo que más solo que lo toque me la quito yo que más solo que lo toque me la quito yo que más solo. Tiens à vous remercier parce qu'on a reçu assez d'appels pour mettre des musiques sur le thème, on va dire, d'été, quoi, parce que le temps est assez gris. Tout à fait, c'est pas avec ce temps-là qu'on va partir en vacances, là. Avec toutes vos musiques pour cet été que vous aimez, que vous voulez écouter, tout ça, on va, à partir de 17h, on va les mettre. Vous préparez une petite playlist de l'été. Voilà, c'est ça. Vous pouvez enregistrer et mettre ça pour cet été. Voilà, pour vous ambiancer dans la piscine ou quoi que ce au bord soit. Au bord de la plage. Aussi. Au bord de la piscine, au bord d'un barbecue. Ah, un barbecue. Ça me donne envie, là. Mais c'est pas avec ce temps-là qu'on va aller très loin. Ah, t'en as déjà fait, toi. Ouais, j'en ai déjà fait deux. Bon. Un peu tôt, mais c'était toujours bon. Et on continue, du coup, en musique. Mais on n'oublie pas notre chronique sur les trois artistes qui sont venus il n'y a pas longtemps grâce aux événements de la radio Arc-en-Ciel qui sera à 17h30. Donc on continue la musique avec Tokyo Dance. Vira, vira, vira, vira, assim é o melhor lugar.

Et pour la prochaine musique, je voudrais la dédicacer à Henrik et à Amélia qui nous écoutent de là-haut. Donc on écoute cette musique pour eux et on leur fait des bisous. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Como vou e como estou depois de te perder? Também sei, mesmo a viver, morri para ti. E o meu nome jamais voltaste a dizer. Eu bem sei que nunca mais falaste em nós, do que foi e do que fiz um dia por nós dois. Também sei que sou silêncio em tua voz e só Deus sabe como eu estou. A saudade de ti tomou conta de mim e me mata por dentro. Esta falta de amor nunca me abandonou desde que eu te perdi. A cor da solidão pintou meu coração de mágoa e sofrimento. E assim é meu viver nesta dor sem esquecer quem se esqueceu de mim. Sei que nunca mais pensaste em mim. Se estou só ou como tu até tenho outro amor. Também sei que a minha vida já nada te diz. Só Deus sabe como eu vou. Toute sa famille. La prochaine musique est une dédicace de Maël, donc pour ses musiques du moment. Une musique qu'on connaît déjà tous. Il fait sa dédicace pour sa maman. Il lui fait de gros bisous et il lui dit qu'il l'aime. Donc on fait des bisous à sa maman et à Maël Et on leur remercie pour sa dédicace. Et on écoute Amayo Amayo. Et c'est parti, nous allons commencer les musiques d'été que vous nous avez recommandées. Donc Mathis, quelle est ta musique ? On commence par nous, nos musiques de notre été ? Comme on veut. D'accord, bah moi je vais vous mettre ma musique du moment, mais vraiment qui me donne vraiment envie d'être en été. Si je la me connais très bien, je crois qu'à notre soirée qui est passée pas longtemps, je l'ai passée 6 fois la musique. Ouais, bah j'ai vu, c'était un peu redondant. Et bah, je vais vous la refaire passer, qui est Mad Love, de David Guetta et de Mbeki G. Some of that love it, know you put it back when the beat drop. For me, my baby, where you treat it a rap. Love the energy when you bring it up. Queen, girl, you're preparing, you ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet flop. I know I see, but me want to attack. Me hide the punch, she precise and exact. Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a far. Jiggle up your body, jiggle up your sin thing. I'm glad to remember you are running sin thing. Remember together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop. Are you ready for a night of loving? With the stamina king, hear your body calling. Good Lord, girl, it's going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. Voici ma musique, j'espère qu'il vous a fait bouger, danser. On va passer à ta musique, Lola. Alors, ma musique, c'est Zumba de Don Omar. Une musique qui fait bouger. Qui fait bouger, hein. Comme son nom. Lola, tu es allé à la Zumba ? Oula, non, quand même pas. Et bon, on va écouter Zumba, une musique vraiment... Alors là, s'il y a pas, c'est pas plus été, je comprends pas. C'est pour danser dans votre salon, devant votre voiture, au travail, tout ça. Eh ben, on écoute. Mm-hmm. Alors, toujours pour continuer avec les musiques de l'été, une auditrice nous a contacté pour mettre Summer de Calvin Harris et nous a fait une petite dédicace. Donc, l'auditrice s'appelle Marie. Elle fait une dédicace pour tous les auditeurs qui nous écoutent, tout le monde, pour leur passer une bonne fin de journée. Après, peut-être cette journée épuisante au travail ou il y en a qui sont en vacances aussi. Donc peut-être pour eux, si ils nous écoutent, on ne sait pas. Et après, elle nous a souhaité aussi à nous deux, donc avec Mathis et moi, une bonne émission. Et voilà. Donc on va écouter Summer de Calvin Harris. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, prochaine musique, nous avons une dédicace de Lorenzo qui fait une dédicace pour sa maman, pour sa famille et qui leur fait des gros bisous. Et pour ça, il nous met une musique qui a fait un petit remix. Ce remix, ça fait de 8 mois qu'il a été interprété. D'une musique qui est « Vois sur ton chemin » de Bennett. Donc nous allons écouter cette musique. Yeah. Et merci Lorenzo pour cette dédicace qui nous a bien fait bouger. Oh là là. C'est de la technonique, quoi. Voilà, tout à fait. Il est 17h29 et 12 secondes. Bon, on est un peu en avance, mais on va commencer la chronique du top, n'est-ce pas Lola ? Du top 3. Du top 3 des artistes qui sont venus il n'y a pas longtemps. Dans les derniers bals. À nos derniers bals. On va commencer, alors, nous avons 3 bals. Donc, on a eu le dernier qui était le 13 avril. C'est ça. Où Georges Ferrat est venu. Le 3 février, Osé Amar était venu interpréter ses plus beaux titres. Et le 18 novembre, pour la soirée de l'anniversaire de la radio, Maïda Gait était venu. Donc, tu veux commencer par quelle soirée ? Je veux commencer par Zéamar. Zéamar, qui est venu du coup pour notre bal. Ouais. Et des en plus, amoureux. Je crois qu'il a sorti une musique il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait, Lola. Lola exactement. Est très bien renseigné. Une heure. Il y a donc une heure. Elle est très très. Il y a 2 heures plutôt, parce que ça fait depuis une heure qu'elle est là. Ah oui. Mais ça fait 2 heures qu'elle est sortie sur YouTube, qu'elle est disponible. Avec le clip. Avec le clip, tout à fait. Mais elle est sortie ce matin. Donc on peut l'écouter, on va pouvoir l'écouter à l'antenne aujourd'hui pour la première fois. Donc une musique de Zé Amar qui est accompagnée par Lucia Pérez. Donc on va l'écouter, Yo te prometo. Tan llena de luz y esa felicidad que se te fue apagando en el fondo del alma. Que voltes algún día a dejarte amar por alguien que no fin te quiera de verdad y pela vida inteira seja a primera razón de su vida. No vale a pena continuar así sufriendo. Acaba, é melhor deixá-lo a tempo. Prometo, une belle musique, n'est-ce pas Laura ? Vraiment, vraiment. Une musique qu'on peut mettre dans notre playlist de l'été. Maintenant. C'est ça. Elle est très douce, très ambiançante. Donc moi je la valide et je l'aime bien. Donc Zé Amar a fait un très beau titre avec notre chanteuse Lucia Pérez. On continue en musique avec du coup l'artiste qui est venu le 18 novembre pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel, Maïda Gait. Et on va écouter sa musique, qui est Lola ? qui est Loda Enosa. Tout à fait, Loda. Et on écoute en musique. Rentre aussi dans notre playlist de l'été, Lola. C'est ça, c'est ça. Très ambiançante. Donc, on va écouter pour le dernier artiste de ce top 3 des artistes qui sont venus. Un artiste qui est venu samedi dernier, Georges Ferreira. Nous allons écouter une musique qu'il a interprétée sur scène aussi, O Tu Caro do Amor. Donc, on écoute. Et voici la fin de ce top 3 des artistes qui sont venus au cours de cette année et de l'année dernière aussi. Donc, on espère, on le fera le prochainement, aussi notre top 3, pardon, sur les artistes qui vont venir à la Saint-Jean. Et on n'est espère pas, vous voir là-bas, surtout. Surtout, et qui se déroulera le... Le 6 et le 7 juillet. Tout à fait, Lola, qui se passera là-haut. Toujours au même endroit, au parc de la ligne Roll, que vous connaissez tant et tant. Donc on espère vous y retrouver nombreux. Mais vous aurez plus d'informations dans quelques jours. On continue, Lola ? Ah oui, d'ailleurs, en parlant de bal et tout ça, ce week-end, j'ai parlé avec mon papa. Et il m'a parlé que quand il était jeune, donc il y a un petit peu longtemps, mais pas trop non plus. Le pauvre papa. Qu'il écoutait une musique portugaise qui s'appelle O Bicho. Enfin, je sais pas trop bien le dire. Ouais, voilà. Donc je fais une dédicace pour mon petit papa d'amour en mettant cette musique. C'est parti, on écoute. Ela chegando com vontade de dançar. Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho. Ela quer mexer e dançar comigo. Eu tô ligado, ela tá me olhando. DJ, aumenta o som, porque o bicho tá pegando. Eu tô ligado, ela tá me olhando. DJ, aumenta o som, porque o bicho tá. E é o bicho. Festa começar, ela chegando com vontade de dançar. Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho. Ela quer mexer e dançar comigo. Eu tô ligado, ela tá me olhando. DJ, aumenta o som, porque o bicho tá pegando. Eu tô ligado, ela tá me olhando. DJ, aumenta o som, porque o bicho tá. E é o bicho. Nous avons besoin de votre aide. La famille de Didier Bouilly, disparue

and I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. Oh God, I need these beautiful things that I've got. Et on continue avec une dédicace que je fais à ma grand-mère. Une dédicace car samedi, après le bal qui s'est déroulé, elle nous a réveillés au petit matin, à 10h, avec une musique qui est resté en tête toute ma matinée, car elle m'a réveillé pour aller manger barbecue. Donc, hein, Lola, j'ai eu le droit à mon premier barbecue. Pas moi, quoi. Samedi après l'événement. Donc, on nous a écouté la musique de Nemanus, avec laquelle je me suis fait réveiller le matin. Quem não tiver também dança. Toujours en musique de l'été. C'est la fin de notre émission. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Lola ne sera pas là. Non, normalement, je ne serai pas là. Ne serait pas là. Et Lucie, je crois, normalement, ne sera pas là non plus. Bon, donc, bah, on se retrouvera en date avec moi. Et grâce à cette émission, j'ai eu une petite idée de prochaine émission. Bah, on a eu une idée, du coup, on va vous la concocter pour la semaine prochaine. Bah, je vais, du coup. Oui, tout seul. Mais pour savoir l'émission qu'il y aura, je vous laisse nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, qui sont, Lola Qui sont Radio. Non. Qui sont... avec, tiré du bas, avec, vous. Tiré du bas, vous, tiré du bas, Radio. Donc, on vous laisse aussi nous suivre, car aussi, nous allons diffuser aujourd'hui les vidéos et les photos que nous avons pris à l'événement et les activités, etc. Tout au long de la fin de la semaine, nous vous diffuserons plein de photos, plein de vidéos. Donc restez connectés. Restez surtout connectés. Et n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de la radio aussi, car ils vont en diffuser prochainement. Donc on se dit à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Et bah, pour moi, à la semaine prochaine. Et pour moi, je ne sais pas encore. On verra bien. À très bientôt, on va dire. À très bientôt. Et on continue en musique. Message à faire passer, Lola. Un petit message de remerciement pour tout le monde et pour la radio, pour les événements et à tous les bénévoles qui étaient maintenus pour samedi. C'est ça. Donc on remercie tout le monde. On vous remercie vous aussi d'avoir été là pour mettre l'ambiance et d'avoir participé à cette belle et grand événement qui, on l'espère, continuera au terme des années. Oui, et surtout on vous attend nombreux pour le... Le 6 et 7 juillet. Le 6 et 7 juillet, c'est ça. Donc là, on vous fait un gros bisou et à très bientôt. Au revoir.